gun autour de bon S. Ouais. The Southside motherfucking Compton in the house. Ça c'est 13, hein. Hasta la muerta. Le soleil frappe un beau samedi après-midi. Je roule, relax, cool avec mes homies. Automatique, mais de mettre enfoui dans mes habits. Sur l'avenue, j'étais le man straight OG. Bye bye, mon gang est bad et te fait mal comme des rafales de balles à l'origine. Le gang s'installe au milieu des carnages. Contrôle le style, contrôle la maille, contrôle la G-ride. Direction le south side, comme le dragon je fly. Qui sait si demain je serai vivant. Profite de chaque instant quand on l'arrondissement. Je roule tranquillement, mais je ressens le blues du bon vieux temps quand je descends le boulevard de doucement. La rue, j'y ai vécu, connu, vu. Trop d'amis gâcher leur vie, partir en zombie, finir qui écrit. Mourir et je prie, dépose un bouquet de fleurs. Car je sais que leur esprit repose en paix dans mon cœur. Je crois, voir, droit comme un OG se doit. Fier comme un soldat, j'ai foi dans le 1-3. Mon quartier, mes refrains, mon gang. Je slang, hang and bang, ding, fling. Ceux qui veulent niquer ma bande. Down avec mon clan à 100% depuis le bon vieux temps. Malgré le mauvais temps, unifié par le sang. Yeah. Oh yeah, yeah. Tell them where you're from. Southside, Southside. La mafia 13. La mafia 13. Southside, Southside. Southside 13. Southside, Southside. La mafia 13. Yeah. 26 ans déjà, 10 frères partis avant. Comme un vétéran, mes rêves violents me font charger mon armement. Les sentiments de peur, les démons du passé tentent de prendre mon cœur, raver mes douleurs. Mais le gangster, le hustler qui dort en moi efface tous ceux qui sont en face. Et je biguille les places, toutes les tasses qui tentent de me faire face. Mais le temps passe, les embrouilles se tassent, qu'on la caillasse. Viens prendre sa place, mes parents. N'ont pas fait 300 000 km pour se faire mettre par les mêmes maîtres qui ont voulu soumettre nos ancêtres dans ces mêmes cages où ils veulent nous voir naître. Mais la vraie rage s'arrête quand la 8-6 s'achète. Elle te pète la tête, tiens que le pète, mais tu ne vois plus net. Le 9 mm, tu butes un mec et tu prends perpète. Encore un échec sur le mat, un prétexte pour la droite. Une claque dans nos faces pour nous finir dans une boîte. Southside, Southside. La mafia 13. La mafia 13. Southside, Southside. Southside 13, Southside, Southside. C'est la mafia 13, yeah. La mafia 13, Southside, Southside. Southside 13. Sud de la capitale, les G s'installent, déballent le style. Southside, Southside et tous mes homeboys ride. Forgé pour le combat comme un soldat se doit. J'exécute les lois que la mafia a pour ma voix. Je reste froid, je signe de mes doigts le signe du 1-3. Signe de la foi que la MIFA a pour moi. Voix, je reste droit, je bouge pour mes gars. Roule pour mes gars, smooth sur la voie. J'envoie le M, le A, le F, le I, le A. Comme une boule de feu, je fume le boule de ceux qui vraiment trop heureux font la boule et fuient quand il pleut. Pas d'embrouille, les OG déboule. Smooth, c'est la G-School, notre school. L'enfouraillé quand on roule en patrouille. On lâche nos douilles, les fâches s'écroulent. On passe en cagoule, le cash flow s'écoule. Les bitches mouillent dans le Southside. Cool dans ma G-Ride, fond, c'est un drive-by boom, yeah. Du sud de la capitale, Southside, Southside. C'est la mafia 13. La mafia 13. Southside, Southside. Southside, Southside. C'est la mafia 13. Southside, Southside. C'est la mafia 13. La mafia 13. Southside, Southside. Southside, Southside. C'est la mafia 13.